Comment s'attendre au pire quand on vit le meilleur? Comment croire au soupir quand on s'écrie en cœur? Que la vie est facile et laissée aux commandes d'un dieu universel, philanthrope, charmeur. Quand les lunettes tombent, quand la liesse s'achève, alors nous reste en bouche ce goût un peu amer d'une fin de soirée ratée à cause d'un pneu qui crève. On tangue sur le bitume comme un clown à la mer. On tangue et on chavire, au pire on ne sait dire l'avenir. Et le chanteur s'étonne comme un néo-penseur, philosophe à la gomme, version mauvais rocker. Que la terre tourne mal, qu'il y a la faim dans le monde. Merci monsieur l'artiste, on s'en rendait pas compte. Faire ta musique à tes bonnes intentions. Remballe tes beaux discours et serre-nous l'émotion. Chante-moi la poésie d'un monde à l'abandon, le trouble d'un matin quand il n'y a plus de saison, la beauté d'une époque semblant suspens, accroché aux paroles de quelques fous puissants. On tangue et on chavire, au pire on ne sait dire que dérisoires mots dont se moque l'avenir. Et le chanteur s'étonne comme un néo-penseur, mauvais au cœur. Hey, hey, hey, hey. Dérisoires mots dont se moque l'avenir.